son fin. Je passe mon temps à faire la fête. Je pète la vie avant qu'elle pète. Et toi, je sais pas en quoi tu crois. Toi, je sais pas quoi tu crois. Moi, je crois.